coco, joli calao. Ne vole pas trop, trop, trop, fais de petits sauts. Sur une patte et sur l'autre patte. Sur une patte et sur l'autre patte. Lève ton gros bec en l'air comme une trompette. Tourne la tête comme une girouette. Et vite, vite, sur le dos. Joli calao, roule, roule, c'est rigolo. Coco, coco, joli calao. Ne vole pas trop, trop, trop, fais de petits sauts. Sur une patte et sur l'autre patte. Sur une patte et sur l'autre patte. Sur la branche d'un arbre, bat des ailes à gogo. Sur une patte, fais un petit saut. Et sur l'autre, tourne, tourne, c'est rigolo. Coco, coco, joli calao. Ne vole pas trop, trop, trop, fais de petits sauts.